Pedro Páramo. Pedro Páramo. Pedro Páramo. De Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov. D'après la traduction de Gabriel Diacouli. Je suis venu à Comala parce qu'on m'a dit qu'ici vivait mon père, un certain Pedro Páramo. L'oubli dans lequel il nous a laissés, fais-le lui payer cher. Mon enfant. Qu'est-ce qui est arrivé à ce village ? Il a l'air aussi désert que s'il était abandonné. On dirait que personne n'y habite. On dirait pas, c'est comme ça. Personne ne vit ici. Et Pedro Páramo ? Ça fait des années qu'il est mort. Pedro Páramo. Alors, comme ça vous êtes son fils. Le fils de qui ? De Doloritas. Elle m'a averti que vous alliez venir. Que vous arriveriez aujourd'hui. Mais elle est morte, ma mère. Là-bas, tu m'entendras mieux. Je serai plus près de toi. Tu trouveras la voie de mes souvenirs plus proche que celle de ma mort, si la mort a jamais eu une voix. Deuxième épisode. C'est vrai, j'ai failli être ta mère. Elle ne t'en a jamais rien dit ? Non. Elle ne me racontait que des choses agréables. J'ai entendu parler de vous par le bourriquier qui m'a conduit jusqu'ici. Un certain Abundio. Ce brave Abundio. Oh, alors comme ça, il se souvient encore de moi. Je lui donnais un petit quelque chose pour chaque voyageur qu'il m'envoyait. Et nous en étions tous les deux contents. Aujourd'hui, malheureusement, les temps ont changé. Depuis que la pauvreté est là, nous n'intéressons plus personne. Il t'a donc recommandé de venir me voir ? Il m'a dit de vous chercher. Oh, je ne peux que l'en remercier. C'était un brave homme. Très honnête. Il nous apportait le courrier et il a continué à le faire même quand il est devenu sourd. Je me souviens du jour où ce malheur lui est arrivé. Nous en avons tous été affectés. Parce que nous l'aimions tous. Celui dont je vous parle, entendez bien ? Ça ne doit pas être lui alors. D'autant qu'Abundio n'est plus. Il est mort, ça ne fait aucun doute. Alors tu vois, ça ne peut pas être lui. C'est aussi mon avis. Très bien. Revenons-en à ta mère. Je te disais... Sans cesser de l'écouter, je me suis mis à examiner la femme qui me faisait face. Elle avait des yeux assez sombres. Je me disais qu'elle avait dû traverser de dures années. Son visage était aussi translucide que si elle n'avait pas eu de sang dans les veines. Et ses mains étaient flétries. Flétries et toutes ridées. On ne lui voyait pas les yeux. Elle portait une robe blanche, très ancienne, surchargée de volants. Et à son cou, enfilée sur un cordon, une très sainte vierge du refuge, avec l'inscription « Refuge des pêcheurs ». L'homme dont je te parle dressait les poulains à la Media Luna. Il disait s'appeler Innocencio Osorio. Même si nous le connaissions tous sous le surnom de Ricochet pour sa légèreté et son agilité à faire des bonds. Mon ami Pedro disait de lui qu'il domptait un cheval les mains dans les poches. Mais on ne peut nier qu'il avait un autre métier, celui d'incitateur. Voilà ce qu'il était en fait. Il incitait aux rêves. Et il a embobiné ta mère, comme tant d'autres femmes. Moi, pour ne pas chercher plus loin... Un jour où je me sentais patraque, il s'est présenté et m'a dit « Je viens te faire une petite imposition des mains pour te soulager. » Ce qui revenait à dire qu'il allait te ploter en s'attaquant d'abord au bout des doigts, puis en frictionnant plus fort, aux mains, aux bras et enfin aux jambes. Tout ça à froid, mais au bout d'un moment, ça finissait par vous échauffer. Il lui arrivait de réussir son coup. Il nous pressait de tant de côtés à la fois qu'il finissait par trouver le bon bout. Ce qui est arrivé, c'est que quand ta mère est allée le voir, Osorio l'a prévenu que cette nuit-là, elle ne devait s'unir à aucun homme parce que la lune était contraire. Dolores est venue me dire, bien chagrine, que c'était tout simplement impossible, qu'elle ne pouvait pas coucher ce soir-là avec Pedro Páramo. Et c'était leur nuit de noces. Et me voilà, moi, en train d'essayer de la convaincre qu'il ne fallait pas croire Osorio, qui était d'ailleurs un enjôleur. Et un imposteur. Je ne peux pas. Vas-y à ma place. Il ne se rendra compte de rien. Mais c'est impossible, Dolores. Tu dois y aller, toi. Fais ça pour moi, je te le revaudrai. Ta mère était en ce temps-là une jeune fille au regard humble. Si elle avait quelque chose de beau, c'était ses yeux. Et il savait convaincre. Vas-y à ma place, s'il te plaît. Et j'y suis allée. J'ai profité de l'obscurité et d'autres choses qu'elle ignorait. C'était qu'à moi aussi il me plaisait, Pedro Páramo. Je me suis couchée près de lui avec plaisir, de bon cœur. Je me suis entortillée à son corps. Mais les ripailles de la veille l'avaient tellement éreinté qu'il a passé la nuit à ronfler. Il n'a rien fait d'autre que nouer ses jambes aux miennes. Avant l'aube, je me suis levée et je suis allée trouver Dolores. Maintenant, vas-y, toi. Aujourd'hui est un autre jour. Que t'a-t-il fait ? J'en sais encore rien. L'année suivante, tu es née. Pas de moi, même s'il s'en est fallu de peu. Peut-être que ta mère s'est gardée de t'en parler parce qu'elle a eu honte. Étendue verte, voir monter et descendre l'horizon avec le vent qui courbe les épis, la risée du soir avec une pluie de triple frisely, la couleur de la terre, l'odeur de la luzerne et du pain. Un village qui sent le miel répandu. Elle a toujours détesté Pedro Páramo. Doloritas ! Avez-vous fait préparer mon petit déjeuner ? Et ta mère se levait avant l'aube. Elle allumait le fourneau. L'odeur du feu réveillait les chats. Elle allait et venait, suivie par leur farandole. Doña Doloritas ! Combien de fois ta mère n'a-t-elle pas entendu cet appel ? Doña Doloritas, c'est froid. Ce n'est plus bon. Combien de fois ? Elle avait beau s'être habituée au pire, son regard humble s'est tout de même durci. Ne plus sentir d'autre goût que celui de la fleur d'oranger dans l'air doux. Alors, elle a commencé à pousser des soupirs. Pourquoi soupirez-vous, Doloritas ? Cet après-midi-là, je les avais accompagnés, Pedro et elle. Nous étions en pleine campagne et nous regardions passer les vols de vachers. Un vautour solitaire se berçait dans le ciel. Pourquoi soupirez-vous, Doloritas ? J'aimerais être un vautour et pouvoir voler jusqu'à l'endroit où se trouve ma sœur. Il ne manquait plus que ça, Doña Doloritas. Vous irez aujourd'hui même voir votre sœur. Rentrons. Que l'on prépare vos bagages. Il ne manquait plus que ça. Et ta mère est partie. Au revoir, Don Pedro. Adieu, Doloritas. Elle a quitté pour toujours la Media Luna. Bien des mois plus tard, je suis allée demander de ses nouvelles à Pedro Páramo. Elle aimait sa sœur plus que moi. Elle doit être contente là-bas. Et puis, elle commençait à m'exaspérer. Je n'ai pas l'intention de m'intéresser à son sort, si c'est ce qui t'inquiète. Mais de quoi vivront-ils ? Dieu y pourvoira. L'oubli dans lequel il nous a laissés, fais-le lui payer cher. Mon enfant. Et jusqu'à ce qu'elle soit venue, aujourd'hui, me prévenir que tu arrivais. On n'a plus de ces nouvelles. Il s'en est passé des choses. À Colima, on a vécu au crochet de ma tante, qui nous disait en face que nous étions un fardeau. Elle demandait à ma mère, « Pourquoi ne retournes-tu pas chez ton mari ?» Et ma mère répondait, « A-t-il envoyé quelqu'un me chercher ? Je n'irai pas le rejoindre s'il ne me fait pas appeler. » Je pensais que cette femme m'écoutait, parce que je t'aimais. Voilà pour mais j'ai remarqué qu'elle tournait la tête. Je comprends, mais à présent, il serait temps que tu t'en ailles. Comme si elle guettait quelque bruit lointain. Quand trouveras-tu le repos ? Le jour où tu es parti, j'ai compris que je ne te reverrai plus. Tu t'éloignais, rougi par le soleil du soir, le crépuscule qui ensanglantait le ciel. Tu souriais, as-tu laissé derrière toi un village dont tu m'avais dit maintes fois « C'est pour toi que je l'aime, mais pour tout le reste, je le hais. Je le hais même parce que j'y suis né. Alors je me suis dit, tu ne reviendras plus. Jamais tu ne reviendras. » Que fais-tu à cette heure, Pedro? Ne devrais-tu pas être au travail? Non, grand-mère. Aurelio veut que je lui garde le petit. Alors je passe mon temps à le promener. Ce n'est pas rien de faire deux choses à la fois. S'occuper du marmot et du télégraphe, pendant que lisse la coule douce en sifflant des bières au billard. Et sans me donner un sou en plus. Tu n'es pas ici pour gagner de l'argent, mais pour apprendre. Quand tu sauras quelque chose, tu pourras te montrer exigeant. Pour le moment, tu n'es qu'un apprenti. Un de ces jours, ce sera peut-être toi le chef. Mais pour en arriver là, il faut de la patience. Et plus que toute autre chose, de l'humilité. Si on te demande de promener le petit, fais-le pour l'amour de Dieu. Il faut que tu te résignes. Que d'autres le fassent, grand-mère. La résignation, ce n'est pas pour moi. Toi et tes bizarreries. Je sens que tu vas mal finir, Pedro Páramo. Que se passe-t-il, Doña Dubíguez? C'est le cheval de Miguel Páramo qui galope sur le chemin de la Media Luna. Il y a donc quelqu'un qui vit à la Media Luna? Non, personne ne vit là-bas. Mais alors? C'est seulement le cheval qui va et vient. Ils étaient inséparables. Il court le chercher partout. Et il revient toujours vers cette heure-ci. Le pauvre est sans doute rongé de remords. Même les bêtes se rendent compte qu'elles ont commis un crime. Tu ne crois pas? Je ne comprends rien. Je n'ai entendu le bruit d'aucun cheval. Ah non? Non? Alors c'est encore un tour de mon sixième sens. Un don que Dieu m'a fait, ou peut-être une malédiction. Moi seul sais tout ce que j'ai souffert à cause de ça. Tout a commencé avec Miguel Páramo. Moi seul ai su ce qui s'est passé la nuit de sa mort. J'étais déjà couché quand j'ai entendu son cheval revenir et filer vers la Media Luna. Ça m'a intrigué. Parce que Miguel ne revenait jamais à cette heure-là. Mais bien après le point du jour, il allait compter Fleurette à son amoureuse dans un bourg appelé Cantla, si loin d'ici. Il partait de bonne heure et rentrait tard. Mais cette nuit-là, il n'est pas revenu. Tu l'entends maintenant? On peut dire qu'il se fait entendre. Il revient. Je n'entends rien. Alors c'est moi. Bon, quand je te disais qu'il n'est pas revenu, ce n'était qu'une façon de parler. Son cheval venait tout juste de passer lorsque j'ai cru entendre frapper à la fenêtre. Va savoir si ça n'a pas été encore un tour de mon imagination. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quelque chose m'a forcé à aller voir qui était là. Et c'était lui. Miguel Páramo. Je n'ai pas été étonné de le trouver là parce que il y a eu un temps où il passait les nuits chez moi et couchait dans mon lit avant de rencontrer cette petite qui lui a mis la tête à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a envoyé promener? Non, elle m'aime toujours. La seule chose, c'est que je n'ai pas pu la rejoindre. Impossible de trouver le village. Il y avait beaucoup de brouillard, ou de fumée, ou de je ne sais quoi. Mais aucune trace de Cantla. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Je suis venu te le dire parce que je sais que toi, tu me comprends. Si j'en parlais aux autres, à Comal, ils iraient raconter que je suis fou comme ils l'ont toujours fait. Non. Fou, non, Miguel. Tu dois être mort. Souviens-toi de ce que l'on t'a dit. Que ce cheval te tuerait un jour ou l'autre. Souviens-toi, Miguel Páramo. À moins que tu n'aies encore fait une de tes folies, mais ça c'est autre chose. J'ai seulement sauté par-dessus le muret en pierre que mon père a fait construire dernièrement. J'ai poussé Colorado à le franchir pour éviter le long détour qu'il faut faire à présent pour rejoindre la route. Je sais que je l'ai sauté et que j'ai continué de filer. Mais comme je te le disais, Il n'y avait que de la fumée. Encore de la fumée. Et toujours de la fumée. Demain, ton père va se tordre de douleur. J'ai de la peine pour lui. Maintenant, va-t'en et repose en paix, Miguel. Je te remercie d'être venu me dire adieu. Le patron, Don Pedro, vous prie, vous supplie de venir. Le petit Miguel est mort. Je sais. On t'a demandé de pleurer comme ça? Oui, Don Fulgor m'a dit de vous l'annoncer en pleurant. C'est bien. Dis à Don Pedro que je vais venir. Il y a longtemps qu'on l'a ramené? Pas plus d'une demi-heure. Si on l'avait fait plus tôt, peut-être qu'on l'aurait sauvé. Quoique, d'après le docteur qui l'a palpé, il était froid depuis un bout de temps. On l'a su parce que Colorado est rentré seul et qu'il n'a laissé personne fermer l'œil, tellement il était agité. Vous savez combien il s'aimait, lui et le cheval. Et je dirais même que la bête souffre plus que Don Pedro. Elle n'a ni mangé ni dormi. Et malgré ça, elle ne tient pas en place. Comme si elle savait. Vous voyez? Comme si elle était écorchée et rongée de l'intérieur. N'oublie pas de fermer la porte en partant. As-tu jamais entendu la plainte d'un mort? Non, Doña Tupires. Tant mieux pour toi. Réveille-toi. Pedro, réveille-toi. Pourquoi pleures-tu, maman? Par la porte, on voyait l'aurore au firmament. Il n'y avait pas d'étoiles, seulement un ciel plombé, gris, que n'éclairait pas encore l'éclat du soleil, et un halo sourd qui semblait annoncer non pas le lever du jour, mais la tombée de la nuit. Dehors, dans la cour, il y avait ces bruits de pas, bruits étouffés de gens qui guettent. Et là, debout, sur le seuil, cette femme dont le corps empêchait le jour d'entrer, mais laissait passer à travers ses bras des lambeaux de ciel, et sous ses pieds des traînées de lumière, une lumière qui ruisselait comme si le sol au-dessous d'elle était inondé de larmes. On a tué ton père. Et toi, maman, qui t'a tué? Il y a là-haut le vent et le soleil, les nuages. Tout là-haut, au-dessus de nous, il y a un ciel bleu, et derrière lui, peut-être des champs, peut-être des voix sans pareil. Il y a l'espérance, en somme. Pour nous, malgré notre fardeau, il y a l'espérance. Mais pas pour toi, Miguel Páramo, qui est mort sans absolution et qu'aucune grâce ne pourra toucher. Le père Renteria a tourné le dos au corps et considéré que la messe était dite. Il s'est hâté d'en finir et il est sorti sans donner la bénédiction aux fidèles qui emplissaient l'église. Père, il faut nous le bénir. Non. Non, je ne le ferai pas. Ça a été un méchant homme, il n'entrera pas au royaume des cieux. Dieu m'en voudrait si j'intercédais en sa faveur. Voilà ce qu'il a dit, en tentant de dissimuler le tremblement de ses mains. Et il l'a pourtant fait. Ce défunt pesait très lourd sur l'esprit de tout le monde. Il reposait sur un catafalque au milieu de l'église, entouré de cierges neufs, de fleurs, et d'un père derrière lui, seul, qui attendait la fin de la veillée. Le père Renteria est passé à côté de Pedro Páramo en essayant de ne pas frôler son épaule. Il a levé le goupillon et, avec des mouvements mesurés, a aspergé la dépouille d'eau bénite de la tête aux pieds, tandis que de sa bouche sortait un murmure. Peut-être une prière. Puis puis il s'est agenouillé. Et tout le monde a fait comme lui. Aie pitié de ton serviteur, Seigneur. Qu'il repose en paix. Amen. Tandis qu'il sentait la colère le gagner de nouveau, il a vu tout le monde quitter l'église avec le cadavre de Miguel Páramo. Pedro Páramo s'est approché et s'est agenouillé à côté de lui. Je sais que vous le détestiez, mon père, et je comprends. L'assassinat de votre frère, que mon fils aurait commis, d'après ce qu'on dit. Le viol de votre nièce Anna, dont vous l'accusez. Les offenses et le manque de respect à votre égard. Tout le monde peut comprendre vos raisons. Et oubliez tout ça, mon père. Pardonnez-lui, comme Dieu lui a peut-être pardonné. Acceptez ceci comme aumône pour votre église. Le sanctuaire était maintenant vide. Deux hommes attendaient Pedro Páramo devant la porte. Il les a rejoints, ils ont suivi ensemble le cercueil posé sur les épaules de 4 mètres vachés de la Media Luna, qui l'avaient attendu eux aussi. Le père Renteria a pris les pièces une à une et s'est approché de l'autel. Elles sont à toi. Il peut acheter le salut. Toi seul en connais le prix. Quant à moi, Seigneur, me voici à tes pieds pour te demander justice ou injustice, puisqu'il nous est donné de pouvoir tout te demander. Pour moi, condamne-le, Seigneur. Il a fermé le tabernacle. Il est entré à la sacristie, s'est jeté dans un coin où il a pleuré de douleur et de tristesse toutes les larmes de son corps. C'est bon, Seigneur. Tu as gagné. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov, d'après la traduction de Gabriel Diaculi. Deuxième épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur, Thierry Barège, le serviteur, Eric Caravaca, le père Renteria, Eric Charon, Juan Preciado, Henri David Cohen, Pedro Páramo, enfant, Yvan Cori, Miguel Páramo, Marie Daude, la grand-mère de Pedro, Florence Dupuis, Doña Eduviges Jaune, Elodie Hubert, Dolores Jaune, Nita Klein, Doña Eduviges, Denis Lavant, Pedro Páramo, Marie-Christine Le Thor, la mère de Pedro, Emmanuel Riva, Dolores, et les voix de Myriam Ajar, Paola Cordova, Sofía López, Odile Lauria, Giovanni Ortega, Emiliano Suárez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissant. Musique originale, Léon Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Arnaud Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egorov. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.